La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 1er, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile, Edmond, Cesset, livre, 6e, Les dieux païens. Chapitre 5. Des trois espèces de théologie distinguées par Varron, l'une mythique, l'autre naturelle, et l'autre civile. Que signifie cette division de la théologie ou science des dieux en trois espèces? L'une mythique, l'autre physique, et l'autre civile. Le nom de théologie fabuleuse conviendrait assez à la première espèce, mais je veux bien l'appeler mythique, du grec mythos, qui signifie fable. Appelons aussi la seconde espèce indifféremment physique ou naturelle, puisque l'usage l'autorise. On sait que le latin physicus vient du grec physikos, naturel, dont la racine est physis, nature. Et, quant à la troisième espèce, à la théologie politique, nommée par Varron civil, il n'y a pas de difficulté. Voici comment il s'explique à cet égard. On appelle mythique la théologie des poètes, physique, celle des philosophes, et civile, celle des peuples. Or, poursuit-il, dans la première espèce de théologie, il se rencontre beaucoup de fictions contraires à la dignité et à la nature des dieux immortels, comme, par exemple, la naissance d'une divinité qui sort du cerveau d'une autre divinité, ou de sa cuisse, ou de quelques gouttes de son sang, ou bien encore un dieu voleur, un dieu adultère, un dieu serviteur de l'homme. Et pour tout dire, on y attribue aux dieux tous les désordres où tombent les hommes et même les hommes les plus infâmes. Comparez le sentiment de Varron sur les diverses espèces de théologie, avec celui du pontife Sévola, livre 4, chapitre 27. Ainsi, quand Varron le peut, quand il l'ose, quand il parle avec la certitude de l'impunité, il s'explique son détour sur l'injure faite à la divinité par les fables mensongères, car il ne s'agit pas ici de la théologie naturelle ou de la théologie civile, mais seulement de la théologie mythique, et c'est pourquoi il a cru pouvoir la censurer librement. Voyons maintenant son opinion sur la théologie naturelle. La seconde espèce de théologie que j'ai distinguée, dit-il, a donné matière à un grand nombre de livres où les philosophes font des recherches sur les dieux, sur leur nombre, le lieu de leur séjour, leur nature et leurs qualités. Sont-ils éternels ou ont-ils commencé? Tirent-ils leur origine du feu, comme le croit Héraclite, ou des nombres, suivant le système de Pythagore, ou des atomes, ainsi qu'Épicure le soutient, et autres questions semblables, qu'il est plus facile de discuter dans l'intérieur d'une école que dans le forum. On voit que Varron ne trouve rien à redire dans cette théologie naturelle, propre aux philosophes. Il remarque seulement la diversité de leurs opinions, qui a fait naître tant de sectes opposées. Et cependant il bannit la théologie naturelle du forum et la renferme dans les écoles, tandis qu'il n'interdit pas au peuple la première espèce de théologie, qui est toute pleine de mensonges et d'infamies. Aux chastes oreilles du peuple, et surtout du peuple romain, elles ne peuvent entendre les discussions des philosophes sur les dieux immortels, mais que les poètes chantent leurs fictions, que des histrions les jouent, que la nature des dieux soit altérée, que leur majesté soit avilie par des récits qui les font tomber au niveau des hommes les plus infâmes, on supporte tout cela. Que dis-je? On l'écoute avec joie, et on s'imagine que ces scandales sont agréables aux dieux et contribuent à les rendre favorables. On me dira peut-être, sachons distinguer la théologie mythique ou fabuleuse et la théologie physique ou naturelle de la théologie civile, comme fait Varron lui-même, et cherchons ce qu'il pense de celle-ci. Je réponds qu'en effet il y a de bonnes raisons de mettre à part la théologie fabuleuse, c'est qu'elle est fausse, c'est qu'elle est infâme, c'est qu'elle est indigne, mais séparer la théologie naturelle de la théologie civile, n'est-ce pas avouer que la théologie civile est fausse? Si, en effet, la théologie civile est conforme à la nature, pourquoi écarter la théologie naturelle? Si elle ne lui est pas conforme, à quel titre la reconnaître pour vraie? Et voilà pourquoi Varron a fait passer les choses humaines avant les choses divines. C'est qu'en traitant de celles-ci, il ne s'est pas conformé à la nature des dieux, mais aux institutions des hommes. Examinons toutefois cette théologie civile. La troisième espèce de théologie, dit-il, est celle que les citoyens, et surtout les prêtres, doivent connaître et pratiquer. Elle consiste à savoir quels sont les dieux qu'il faut adorer publiquement, et à quelle cérémonie, à quel sacrifice chacun est obligé. Citons encore ce qu'ajoute Varron, la première espèce de théologie convient au théâtre, la seconde au monde, la troisième à la cité. Qui ne voit à laquelle des trois il donne la préférence? Ce ne peut être qu'à la seconde, qui est celle des philosophes. Elle se rapporte en effet au monde, et, suivant les philosophes, il n'y a rien de plus excellent que le monde. Quant aux deux autres espèces de théologie, celle du théâtre et celle de la cité, on ne sait s'il les distingue ou s'il les confond. En effet, de ce qu'un ordre de choses appartient à la cité, il ne s'ensuit pas qu'il appartienne au monde, quoique la cité soit dans le monde. Et il peut arriver que sur de fausses opinions on croit et on adore dans la cité des objets qui ne sont ni dans le monde, ni hors du monde. Je demande en outre où est le théâtre, sinon dans la cité, et pourquoi on l'a établi, sinon à cause des jeux scéniques, et à quoi se rapportent les jeux scéniques, sinon aux choses divines, qui ont tant exercé la sagacité de Varron? Chapitre 6. De la théologie mythique ou fabuleuse et de la théologie civile, contre Varron. Ô Marcus Varron, tu es le plus pénétrant et sans aucun doute le plus savant des hommes, mais tu n'es qu'un homme, tu n'es pas Dieu, et même il t'a manqué d'être élevé par l'Esprit de Dieu à ce degré de lumière et de liberté qui rend capable de connaître et d'annoncer les choses divines. Tu vois clairement qu'il faut séparer ces grands objets d'avec les folies et les mensonges des hommes, mais tu crains de heurter les fausses opinions du peuple et les superstitions autorisées par la coutume. Et cependant, quand tu examines de près ces vieilles croyances, tu reconnais à chaque page et tu laisses partout éclater combien elles te paraissent contraires à la nature des dieux, même de ces dieux imaginaires tels que ceux les figurent, parmi les éléments du monde, la faiblesse de l'esprit humain. Que fait donc ici le génie de l'homme et même le génie le plus excellent? À quoi te sert, Varron, toute cette science si variée et si profonde pour sortir de l'inévitable alternative où tu es placé? Tu voudrais adorer les dieux de la nature et tu es contraint d'adorer ceux de la cité. Tu as rencontré, à la vérité, d'autres dieux, les dieux de la fable, sur lesquels tu décharges librement ta réprobation, mais tous les coups que tu leur portes retombent sur les dieux de la politique. Tu dis, en effet, que les dieux fabuleux conviennent au théâtre, les dieux naturels au monde et les dieux civils à l'État. Or, le monde n'est-il pas une œuvre divine, tandis que le théâtre et l'État sont des œuvres humaines, et les dieux dont on rit au théâtre ou à qui l'on consacre des jeux? Sont-ils d'autres dieux que ceux qu'on adore dans les temples de l'État et à qui on offre des sacrifices? Combien il eût été plus sincère et même plus habile de diviser les dieux en deux classes, les dieux naturels et les dieux d'institutions humaines, en ajoutant, quant à ceux-ci, que si les poètes et les prêtres n'en parlent pas de la même manière, il y a ce point commun entre eux que ce qu'ils en disent est également faux, et par conséquent également agréable aux démons, ennemis de la vérité. Laissons donc un moment de côté la théologie physique ou naturelle, et dis-moi s'il te semble raisonnable de solliciter et d'attendre la vie éternelle de ces dieux de théâtre et de comédie? Le vrai Dieu nous garde d'une si monstrueuse et si sacrilège pensée. Quoi, nous demanderions la vie éternelle à des dieux qui se plaisent au spectacle de leurs crimes, et qu'on ne peut apaiser que par ces infamies? Non, personne ne poussera le délire jusqu'à se jeter dans cet abîme d'impiété. La vie éternelle ne peut donc s'obtenir ni par la théologie fabuleuse ni par la théologie civile. L'une, en effet, imagine des fictions honteuses et l'autre les protège. L'une sème, l'autre moissonne. L'une souille les choses divines par les crimes qu'elle invente à plaisir. L'autre met au rang des choses divines les jeux où ces crimes sont représentés. L'une célèbre envers les fictions abominables des hommes, l'autre les consacre aux dieux même par des fêtes solennelles. L'une chante les infamies des dieux et l'autre s'y complaît. L'une les dévoile ou les invente, l'autre les atteste pour vrai, ou, quoique fausse, y prend plaisir. Toutes deux impures, toutes deux détestables, la théologie effrontée du théâtre étale son impudicité, et la théologie élégante de la cité se pare de cet étalage. Encore une fois, ira-t-on demander la vie éternelle à une théologie qui souille cette courte et passagère vie, ou, tout en avouant que la compagnie des méchants souille la vie temporelle par la contagion de leurs exemples, soutiendra-t-on que la société des démons, à qui l'on fait un culte de leurs propres crimes, n'a rien de contagieux ni de corrupteur? Si ces crimes sont vrais, que de malice dans les démons. S'ils sont faux, que de malice dans ceux qui les adorent. Mais peut-être ceux qui ne sont point versés dans ces matières s'imagineront-ils que c'est seulement dans les poètes et sur le théâtre que la majesté divine est profanée par des fictions et des représentations abominables ou ridicules, et que les mystères où président, non des histrions, mais des prêtres, sont purs de cette turpitude. Si cela était, on n'eût jamais pensé qu'il fallût faire des infamies du théâtre des cérémonies honorables aux dieux, et jamais les dieux n'eussent demandé de tels honneurs. Ce qui fait qu'on ne rougit point de les honorer ainsi sur la scène, c'est qu'on n'en rougit pas dans les temples. Aussi, quand Varron s'efforce de distinguer la théologie civile de la fabuleuse et de la naturelle, comme une troisième espèce, il donne pourtant assez à entendre qu'elle est plutôt mêlée de l'une et de l'autre que véritablement distincte de tous deux. Il dit en effet que les fictions des poètes sont indignes de la croyance des peuples, et que les systèmes des philosophes sont au-dessus de leur portée. Et cependant, ajoute-t-il, malgré la divergence de la théologie des poètes et de celle des philosophes, on a beaucoup pris à l'une et à l'autre pour composer la théologie civile. C'est pourquoi, en traitant de celle-ci, nous indiquerons ce qu'elle a de commun avec la théologie des poètes, quoiqu'elles doivent garder un lien plus intime avec la théologie des philosophes. La théologie civile n'est donc pas sans rapport avec la théologie des poètes. Il dit ailleurs, j'en conviens, que dans les généalogies des dieux, les peuples ont consulté beaucoup plus les poètes que les philosophes, mais c'est qu'ils parlent tantôt de ce qu'on doit faire, et tantôt de ce qu'on fait. Il ajoute que les philosophes ont écrit pour être utiles et les poètes pour être agréables. Par conséquent, ce que les poètes ont écrit, ce que les peuples ne doivent point imiter, ce sont les crimes des dieux. Et cependant c'est à quoi les peuples et les dieux prennent plaisir, car c'est pour faire plaisir et non pour être utile que les poètes écrivent, de son propre aveu, ce qui ne les empêche pas d'écrire les fictions que les dieux réclament des peuples et que les peuples consacrent aux dieux. Chapitre 7. Il y a ressemblance et accord entre la théologie mythique et la théologie civile. Il est donc vrai que la théologie mythique, cette théologie de théâtre, toute pleine de turpitude et d'indignité, se ramène à la théologie civile, de sorte que celle des deux qu'on réprouve et qu'on rejette n'est qu'une partie de celle qu'on juge digne d'être cultivée et pratiquée. Et quand je dis une partie, je n'entends pas une partie jointe à l'ensemble par un lien artificiel et comme attachée de force, j'entends une partie homogène unie à toutes les autres comme le membre d'un même corps. Voyez, en effet, les statues des dieux dans les temples, que signifie leur figure, leur âge, leur sexe, leurs ornements, sinon ce qu'en disent les poètes? Si les poètes ont un Jupiter barbu et un Mercure sans barbe, les pontifes ne les ont-ils pas de même? Priapa-t-il des formes plus obscènes chez les histrions que chez les prêtres, et n'est-il pas, dans les temples où on adore l'image de sa personne, ce qu'il est sur le théâtre où on rit du spectacle de ses mouvements? Saturne n'est-il pas vieux et Apollon jeune sur les autels comme sur la scène? Pourquoi Forculus, qui préside aux portes, et Limentinus, qui préside au seuil, sont-ils mâles, tandis que Cardéa, qui veille sur les gonds, est femelle? Voyez livre 4, chapitre 9. N'est-ce pas dans les livres des choses divines qu'on lit tous ces détails que la gravité des poètes n'a pas jugé digne de leur chant? N'y a-t-il que la Diane des théâtres qui soit armée, et celle des temples est-elle vêtue en simple jeune fille? Apollon n'est-il joueur de lyre que sur la scène, et à Delphes ne l'est-il plus? Mais tout cela est encore honnête en comparaison du reste, car Jupiter lui-même, quelle idée s'en sont faites ceux qui ont placé sa nourrice? La chèvre à Maltée? Au Capitole? N'ont-ils pas de la sorte confirmé le sentiment des Weimer, qui a soutenu, en historien exact et non en mythologue bavard, que tous les dieux ont été originairement des hommes? Et de même ceux qui ont donné à Jupiter des dieux pour commensaux et pour parasites, n'ont-ils pas tourné le culte des dieux en bouffonnerie? Supposez qu'un bouffon s'avise de dire que Jupiter a des parasites à sa table, on croira qu'il veut égayer le public. Eh bien, c'est Varron qui dit cela, et Varron ne veut pas faire rire aux dépens des dieux, il veut les rendre respectables. Varron ne parle pas des choses humaines, mais des choses divines, et ce dont il est question ce n'est pas le théâtre et ses jeux, c'est le Capitole et ses droits. Aussi bien la force de la vérité contraint Varron d'avouer que le peuple, ayant donné aux dieux la forme humaine, a été conduit à se persuader qu'ils étaient sensibles au plaisir de l'homme. D'un autre côté, les esprits du mal ne manquaient pas à leur rôle et avaient soin de confirmer par leur prestige ces pernicieuses superstitions. C'est ainsi qu'un gardien du temple d'Hercule, étant un jour de loisir et désœuvré, se mit à jouer au dé tout seul, d'une main pour Hercule et de l'autre pour lui, avec cette condition que s'il gagnait, il se donnerait un souper et une maîtresse aux dépens du temple, et que si la chance tournait du côté d'Hercule, il le régalerait du souper et de la maîtresse à ses dépens. Ce fut Hercule qui gagna, et le gardien, fidèle à sa promesse, lui offrit le souper convenu et la fameuse courtisane Larentina. Or, celle-ci, s'étant endormie dans le temple, se vit en songe entre les bras du dieu, qui lui dit que le premier jeune homme qu'elle rencontrerait en sortant lui payerait la dette d'Hercule. Et en effet elle rencontra un jeune homme fort riche nommé Tarusius qui, après avoir vécu fort longtemps avec elle, mourut en lui laissant tous ses biens. Maîtresse d'une grande fortune, Larentina, pour ne pas être ingrate envers le ciel, institua le peuple romain son héritier, puis elle disparut, et on trouva son testament, en faveur duquel on lui décerna les honneurs divins. Note. Saint Augustin s'appuie probablement ici sur le passage de Varron, de la langue latine, livre 6 chapitre 23, partiellement perdu, où il était question des fêtes appelées l'Arentinalia. Voyez aussi Plutarque, Question romaine, numéro 35, et Lactance, Institution divine, livre 1, chapitre 20. Évémère, de Messine ou de Mécène, florissait vers 314 avant Jésus-Christ. Il avait exposé sa théorie de l'origine des dieux dans un ouvrage intitulé Histoire sacrée, dont il ne reste rien, si ce n'est quelques fragments de la traduction latine qu'en avait faite Ennius. Fin de la note. Si les poètes imaginaient de pareilles aventures et si les comédiens les représentaient, on ne manquerait pas de dire qu'elles appartiennent à la théologie mythique et n'ont rien à démêler avec la gravité de la théologie civile. Mais lorsqu'un auteur si célèbre rapporte ses infamies, non comme des fictions de poètes, mais comme la religion des peuples, non comme des bouffonneries de théâtre et de comédiens, mais comme les mystères sacrés du temple, quand, en un mot, il les rapporte, non à la théologie fabuleuse, mais à la théologie civile, je dis alors que ce n'est pas sans raison que les histrions représentent sur la scène les turpitudes des dieux, mais que c'est sans raison que les prêtres veulent donner aux dieux dans leur mystère une honnêteté qu'ils n'ont pas. Quel mystère, dira-t-on? Je parle des mystères de Junon, qui se célèbre dans son île chérie de Samos, où elle épousa Jupiter. Je parle des mystères de Cérès, cherchant Proserpine enlevée par Pluton. Je parle des mystères de Vénus, où l'on pleure la mort du bel Adonis, son amant, tué par un sanglier. Je parle enfin des mystères de la mère des dieux, où des eunuques, nommés Gales, déplorent dans leur propre infortune celle du charmant Thétis, dont la déesse était éprisée qu'elle mutila par jalousie. Note. Il s'agit ici des mystères de Cybèle, déesse d'origine phrygienne, dont les prêtres s'appelaient Gales, du nom d'un fleuve de Phrygie, suivant Pline, livre 5, chapitre 22. Voyez Ovide, Faste, livre 4, et Saint Augustin, livre 7, chapitre 25 et 26, fin de la note. En vérité, le théâtre a-t-il rien de plus obscène, et s'il en est ainsi, de quel droit vient-on nous dire que les fictions des poètes conviennent à la scène, et qu'il faut les séparer de la théologie civile qui convient à l'État, comme on sépare ce qui est impur et honteux de ce qui est honnête et pur? Il faudrait plutôt remercier les comédiens d'avoir épargné la pudeur publique en ne dévoilant pas sur le théâtre toutes les impuretés que cachent les temples. Que penser de bon des mystères qui s'accomplissent dans les ténèbres, quand les spectacles étalés au grand jour sont si détestables? Au surplus, ce qui se pratique dans l'ombre par le ministère de ces hommes mous et mutilés, nos adversaires le savent mieux que nous, mais ce qu'ils n'ont pu laisser dans l'ombre, c'est la honteuse corruption de leurs misérables eunuques. Qu'ils persuadent à qui voudra qu'on fait des œuvres saintes avec de tels instruments, car enfin ils ont mis les eunuques au nombre des institutions qui se rapportent à la sainteté. Pour nous, nous ne savons pas quelles sont les œuvres des mystères, mais nous savons quels en sont les ouvriers. Nous savons aussi ce qui se fait sur la scène, où jamais pourtant eunuque n'a paru, même dans le cœur des courtisanes. Bien que les comédiens soient réputés infâmes et que leur profession ne passe pas pour compatible avec l'honnêteté. Que faut-il donc penser de ces mystères où la religion choisit pour ministre des hommes que l'obscénité du théâtre ne peut accueillir? Markendanarchive.org, 2019, d'après Abbaye Saint-Benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.